Le message de nouvel an censé se déjeter 2017 du respecté dirigeant suprême Kim Jong-un fait l'objet de fortes impressions du peuple coréen. Le maréchal a dit qu'il se préoccupe de ceci pour mieux soutenir de façon sacrée notre peuple, le meilleur du monde. Ces paroles touchent profondément les militaires et civils de tout le pays. Partout dans les lieux de travail, les maisons d'habitation, les autobus, les trolleybus et les rames, on voit les passagers qui lisent le message du nouvel an. Li Wigu, directeur adjoint de l'Académie nationale des sciences, a dit « Le respecté maréchal a indiqué qu'il va consacrer corps et âme pour que le temps où tout le peuple chantait le chant « Nous n'avons rien envie au monde » avec l'optimisme dans l'avenir, en comptant sur le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il, ne soit pas un moment de l'histoire passée, mais une réalité d'aujourd'hui, et qu'il se jure solennellement de devenir serviteur fidèle du peuple, respectant loyalement notre peuple d'un cœur infiniment pur et propre. » Je suis ému profondément. Notre peuple sait très bien que le désir du maréchal devient la réalité à coup sûr. Notre peuple remercie le père affectueux et il est certain ont la victoire finale. Cho Ju-yong, directeur du complexe thermoélectrique de Pyongyang, a dit « Le maréchal a déclaré que nous devons élever davantage le moral révolutionnaire animé de façon inouïe dont on avait fait preuve en 2016 » et enregistrer cette année significative un tournant décisif dans l'application de la décision du 7e congrès du parti afin de réaliser sur ce sol l'idéal et le rêve du peuple. Son message de nouvel an nous inspire de la confiance en l'avenir radieux. Selon le mot d'ordre, accélérons le progrès victorieux du socialisme par la grande force de l'esprit de se renforcer soi-même, lancé dans le message de nouvel an. Je ferai tout mon possible pour l'application de la stratégie quinquennale du développement de l'économie nationale.